Commençons par la prière. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu nous diriges encore ce matin. Oh, comment nous voulons comprendre ce royaume que tu as établi. Nous sommes 2000 ans plus tard et on se pose encore des questions. On essaie encore de comprendre. Parce que le monde dans lequel nous vivons ne veut pas de ce genre de royaume. Et notre nature humaine de pécheur ne veut pas ce genre de royaume non plus. Et donc, nous avons, Seigneur, toujours une espèce de combat. Mais tu nous as promis que ce que tu as mis en nous va être plus fort et que nous allons avoir la victoire sur cette chair. Et que nous allons terminer la course dans ton royaume, te glorifiant jusqu'à la fin. D'avoir établi ce royaume ici-bas. Conduis-nous, que ton esprit te glorifie en nous. Amen. Donc, nous allons prendre le temps de lire le chapitre 17. On va lire du verset 14 jusqu'au verset 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leurs mains. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sélevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici à là. » Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que te semble Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs et les impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et leur dit des étrangers. Et Jésus leur dit, lui répondit, excusez, « Les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette un hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Donc, Jésus avait monté sur une haute montagne avec ses trois disciples pour révéler qui il était. Et au verset 14, il descend, et lorsqu'il fut arrivé près de la foule, il y a un homme qui vient et se jette aux pieds de Jésus et lui demande d'intervenir pour guérir son garçon. Et il dit à Jésus, « J'ai demandé, pendant que tu étais en haut sur la montagne, j'ai demandé à tes disciples de le guérir et ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. » Ce que j'ai pensé, peut-être que vous pensez aussi, c'est pourquoi qu'on n'a pas pu le faire. Juste là, on allait dire, mais pourtant, ils en ont chassé d'autres démons. On voit ça, quand ils sont envoyés par 10, et qu'ils vont les envoyer par 70, ils vont chasser des démons. Ils vont guérir des malades. Et là, Jésus revient avec ses qualificatifs pour la génération dans laquelle il a vécu. Verset 17, « Race incrédule et pervers. » S'il les regarde, personnellement, je ne crois pas qu'il regarde juste les disciples, je crois qu'il regarde tout le monde. Race incrédule et pervers. Je ne crois pas qu'il dit ça à ses disciples simplement. Il dit, vous êtes perverti. Le mot pervers, nous, on dit souvent sexuel, mais le mot pervers ne veut pas juste dire pervers. Vous êtes de travers. Vous n'êtes pas en ligne avec Dieu. Vous êtes à rebrousse-poil avec Dieu. Vous allez à contre-courant avec Dieu. Vous n'allez pas dans la même direction de Dieu. Il a dit un peu plus haut, vous n'avez pas les mêmes pensées que Dieu. Et vous êtes incrédule. Incrédule. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Et là, il leur dit, si vous aviez de la foi grosse comme un grain de sénevé, vous pourriez faire des choses qui vous seraient impossibles autrement. Donc, écoutez bien ce qu'il dit ici. Si tu avais de la foi grosse comme un grain de sénevé, tu pourrais transporter les montagnes. Rien ne pourrait vous serait impossible. Rien. Si vous aviez la foi grosse comme un grain de sénevé, rien ne vous serait impossible. Donc, si je pouvais me permettre, peu importe la foi, vous n'avez pas besoin de plus grosse comme un grain de sénevé. Parce que si vous l'avez grosse comme un grain de sénevé, rien ne vous est impossible. Même si tu l'aurais grosse comme un orange ou une pamplemousse ou une citrouille, tu ne pourrais pas faire plus que celui qui a la foi grosse comme un grain de sénevé. Parce que si tu l'as grosse comme un grain de sénevé, il n'y a rien qui est impossible. Donc, tu n'as pas besoin de plus. Mais, il leur dit, si vous l'aviez, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas encore. Et ça, à qui il dit ça? À ses disciples et à la foule. Il dit à ses disciples et à la foule, vous n'avez pas de foi. Vous êtes encore incrédules. Votre foi n'est pas encore grosse comme un grain de sénévé. Parce que vous, si vous l'aviez, vous auriez été capable de guérir cet enfant-là. Il y en a qui disent des fois, oui, ça c'est le minimum, le grain de sénévé. Moi, je vous dis que c'est le minimum et c'est le maximum. Il y en a qui pensent qu'on a, quand on est sauvé, on a à la fois grosse comme un grain de sénévé, puis on va grossir. Je n'ai pas besoin qu'elle grossisse. Je peux faire tout ce que je veux. Rien ne m'est impossible si j'ai à la fois grosse comme un sénévé. Donc, le but que Jésus parle ici, le but que Jésus fait ces choses-là, c'est qu'ils aient la foi grosse comme un grain de sénévé, afin de faire des choses qui sont impossibles. Il t'est impossible de faire ça si t'as pas la foi grosse comme un grain de sénévé. Et je crois que le verset 21, pendant qu'il parle, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, par le jeûne. Donc, la prière et le jeûne ici, et selon moi, est l'équivalent de la foi grosse comme un grain de sénévé. Je crois que le mot prière et le prière, le jeûne, c'était pour moi. Je crois pas qu'ici qu'il est en train de dire, quand les chrétiens prient, s'ils jeûnent, vont avoir plus de réponses. C'est pas ça. Je crois pas que c'est ça. Parce que le texte ici s'adresse à une foule de gens qui ont même pas la foi grosse comme un grain de sénévé. Donc, de quoi est-ce qu'il leur parle à eux à ce moment-là? Essayez de comprendre à eux avant de l'appliquer à vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si vous aviez, si, ça vous prend de la prière et du jeûne pour pouvoir chasser ce genre de démons-là. Puis il leur dit, juste avant, si vous aviez de la foi grosse comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible, donc tu seras capable de le chasser. Pour moi, je m'assure l'équivalent. Pour moi, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu comprendre, c'était une façon de dire, si tu pries avec foi, si tu pries avec ferveur, si tu pries avec La foi que je voudrais que tu pries. Ça, je crois que ça veut dire la même chose. Cette foule-là, faisons attention, frères et sœurs, généralement, souvent, on prend les disciples pour des chrétiens, comme nous, après la Pentecôte. Mais il faut penser autrement ici. Il faut penser un peu autrement. Je ne crois pas que nous, on est incrédules. Je ne crois pas que nous, on est incrédules. Les chrétiens ne sont pas traités d'incrédules. Ils sont traités de fidèles. Fidèles veut dire croyants. On est traités de croyants, de fidèles. On était sauvés par la foi. On a cru. Nous avons cette foi, grosse comme un grain de sainte vin. Je crois personnellement qu'il est impossible de rentrer dans le royaume des cieux sans une foi grosse comme un grain de sainte vin. Il nous faut cette foi-là pour entrer dans le royaume des cieux. Il nous faut cette foi-là pour prier et dire à Dieu, sauve-moi. Si j'ai pas cette foi-là pour dire à moi, sauve-moi, comment je pourrais dire à quelqu'un, à Dieu, sauve-lui, sauve-le, si je suis pas capable de prier pour moi-même, sauve-moi. Je crois que rentrer dans le royaume des cieux, c'est quelque chose qui nous est impossible, mais par la foi, grosse comme un grain de sainte-vin, on peut rentrer dans le royaume des cieux. Mais ils croient pas encore. Ils comprennent pas encore. Depuis trois chapitres, 15, 16, 17, race incrédule, génération adultère, génération perverse, génération méchante, race incrédule, race perverse, vous êtes encore dans l'incrédulité. Vous ne comprenez pas, vous croyez pas. Il dit, il faut que vous croyiez. Il faut que vous croyiez en moi. Il faut que vous croyiez. Je ne crois pas que Jésus désire que ses disciples aient une foi grosse comme un grain de sainte-vin afin qu'ils commencent à tosser les montagnes et qu'ils travaillent pour la voie du Québec. Là. Mais tout ce qu'il est en train de dire, si vous aviez la foi grosse comme un grain de sainte-vin, vous pouvez faire des choses impossibles. Et je crois que la chose la plus impossible qu'on ne peut pas s'imaginer, c'est de rentrer dans le royaume des cieux. Donc, ça nous prend cette fois-là pour rentrer dans le royaume des cieux. Et là, il continue. Il dit, pendant qu'il marche, il leur dit encore une fois, « Je vais monter à Jérusalem, je vais être livré aux mains des hommes, je vais mourir, je vais ressusciter le troisième jour. » Et ils sont quoi? Attristés. Ils sont pas attristés parce que Jésus va souffrir et mourir. Je crois qu'ils sont attristés parce qu'ils comprennent pas. Ils sont comme déçus. Ils sont comme angoissés. Est-ce qu'on n'aurait pas compris rien? Est-ce que c'est pas ça le Messie? Est-ce que c'est pas lui qui devait venir? C'est ce que je pense personnellement. C'est pour ça qu'on va les voir dans les semaines qui vont venir, qui vont aller se cacher, puis qui vont fuir, puis qui vont renier le maître, puis qui vont tout faire. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Les seuls moments où on les voit vraiment comprendre, c'est quand Dieu révèle, c'est quand Jésus leur explique. C'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes encore sans intelligence, gens de peu de foi, gens de pas de foi, gens incrédules. C'est pour ça qu'il leur dit ça à tout le monde, même les disciples sont là-dedans. Oui, ils comprennent certaines choses, mais ils comprennent pas encore qui il est et quelle sorte de royaume il veut établir. Il a raison d'établir ce royaume. Et là, il est interpellé par rapport aux impôts. Quelqu'un ramasse les impôts, puis dit, est-ce que ton maître, il paye pas les impôts avec toi? Pierre, il dit, oui, dit-il, oui, je pense bien. Ben, il n'y a pas l'argent, donc il rentre dans la maison, puis il va essayer de parler à Jésus à ce sujet-là pour avoir l'argent, pour que Jésus dise à Judas qui tenait la bourse, Dandy, le stataire qu'il demande. Mais Jésus lui pose une question. Pierre, c'est qui paye les impôts dans un royaume? Il dit, c'est les fils ou c'est les étrangers? Ben, c'est les étrangers. C'est pas les fils du roi. Les fils du roi sont exempts. Les fils en sont donc exempts, au verset 26. Moi, je suis le roi, vous êtes les fils du royaume, vous ne devriez pas payer d'impôts. Mais afin de ne pas les scandaliser, va à la mer, pêche, sors le premier poisson, prends l'argent qui est dans sa bouche et donne-lui. tout un miracle, hein? Tout un miracle. C'est tout un miracle, là. Mais le but, c'est pas le miracle. Ben, on peut voir que Jésus était omniscient, omnipotent. On peut voir ça parce qu'il faut qu'il fasse apparaître un statère dans la bouche du poisson. Il faut qu'il fasse venir le poisson. Ou est-ce que à ce poisson-là à l'hameçon de Pierre? Ou ben non, au moment que l'hameçon était pour... le poisson était pour se prendre à l'hameçon, Pierre était pour... Le statère était pour apparaître dans la bouche. Peu importe comment vous l'expliquez, il y a un miracle, là. Mais il dit, ce que je veux vous faire ressortir pour moi, c'est verset 25. Mais pour ne pas les scandaliser, si dit, je leur dis, si tu leur dis, lui là, c'est le roi du royaume des cieux. Nous, on est ses fils. On fait partie de ce royaume-là. Donc, on n'a pas à payer. Si tu leur dis ça, ils vont être scandalisés. Ils vont être scandalisés parce que tu vas leur dire que je suis le roi des Juifs. Ils vont être scandalisés en leur disant que vous autres, vous êtes les fils du royaume. Vous allez être scandalisés. Ils ne peuvent pas percevoir. Race incrédule et perverse. Race méchante et adultère. Ils sont scandalisés par la sorte de royaume que Jésus veut établir. Sont scandalisés par ce genre de roi-là que lui s'est présenté. Comprenez-vous? Souvent, on a entendu parler de ce verset-là, on dit, faut faire attention pour pas scandaliser les inconvertis. Ça n'a rien rapport. Ici, il dit, si vous leur dites le genre de royaume que je suis en train d'être établi, ils vont être scandalisés. Même vous autres, vous êtes scandalisés quand je dis que je vais mourir vite. Même vous autres, vous voulez pas que je meure. Même vous autres, même toi, Pierre, te dit, à Dieu ne plaise. Toute la génération ne reconnaît pas la signe des temps. Vous êtes tous scandalisés par ma façon d'agir, par ma présentation du Messie, par ma présentation du royaume. Vous êtes scandalisés. Mais ce qui est merveilleux, frère et sœur, ce qui est merveilleux, c'est que ça n'a pas empêché Jésus de le faire. Ça n'a pas empêché Jésus de le faire. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Il était le roi et il a établi le royaume qu'il voulait établir. Et il l'a annoncé autour de lui. Il l'a annoncé aussi à ses disciples. Parce que lui, il sait qu'au moment que le Saint-Esprit va venir sur eux, ils vont saisir, ils vont comprendre, ils vont proclamer ce roi-là et ce royaume-là. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu ne t'es pas laissé arrêter par cette génération méchante et perverse. Méchante et adultère. Tu n'es pas laissé arrêter par l'incrédulité de tes disciples. Tu as accompli ce que tu devais accomplir, car tu savais que par la puissance de cet esprit, nous comprendrions finalement. Comme nous aujourd'hui, sans l'aide de ton esprit, on ne peut rien comprendre, rien saisir, rien appliquer dans nos vies. Seigneur, oui, le royaume que nous allons prêcher, oui, le Jésus que nous prêchons encore aujourd'hui, va encore scandaliser bien des gens. Mais c'est tout de même ce que nous prêchons. C'est tout de même ce que nous prêchons. Merci, Seigneur, que tu nous as donné la foi qui nous était nécessaire. Cette foi grosse comme un grain de sel, tu nous l'as donnée. Et ceci, par cette foi, ou à cause de cette foi. Nous n'avons pas transporté des montagnes, mais nous avons tu nous as transportés d'un royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu nous as transportés de la mort à la vie. Miracle des miracles. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions.